Voilà. Je viens de là où je veux pas tester. Où ça pue la peste, où ça joue les bestes. De Paris jusqu'à Bucarest. Personne veut se lever tôt. On veut tout prendre, partir en mer au loin. Aller vivre à Monaco. Je viens de là où tu peux pas tester. Où ça pue la peste, négro. Je viens de là où le droit s'accède. Retenté sur la gueule des schlags. Tu crois que les tests sont blagues. Développe le pays comme Charlemagne. Fous certains dans les chambres comme les nazis en Allemagne. Ici on manie le flingue, on baise la police. Fais des trucs de dingue, baise des métis à la police. Tous des traîtres comme Judas. Ici même le prêtre en bas. Normal ça vient d'en bas, le but dans les veines quand on a trop bu. Les séquelles dans les chats, des chiennes, des auto-thrillers. J'pose le droit de veto dealer. Ici c'est dingue comme ce pompier coincé entre les flammes. Ici l'oseille vaut plus cher que la femme. La chair de ma chair, le zen dans la cam. C'est le drame, et si ça craint pour quelques grammes, provient ta dame. Je viens de là où la qualité de vie est dingue comme on a assez. Là où les mecs bicravent leur pute pour de l'extasie. Tu sais, si tu m'entends, reste assis. Je viens de là où je veux pas tester. Où ça pue la peste, où ça joue les bestes. De Paris jusqu'à Bucarest. Personne veut se lever tôt. On veut tout prendre, partir en mer au loin. Aller vivre à Monaco. Je viens de là où je veux pas tester. Où ça pue la peste, où ça joue les bestes. De Paris jusqu'à Bucarest. Personne veut se lever tôt. On veut tout prendre, partir en mer au loin. Aller vivre à Monaco. Je viens de là où ta mère la prête de grosse. Dans la tête, ça joue les bosses. Va t'un pige à voir ses gosses. Je viens de là où les bâtards. Juste des pitots stars. Où les couches tard tiennent les murs la nuit tard. Le commissaire violon mitard. Je viens de là où les filles pissolis. Rêve de pistolet dans la choune. Se prennent pour des pissenlits. Se sent menacé comme Alice au pays des bandits. Je viens de là où les CRS ne peuvent pas test. Où les GPCR stressent. Où les procureurs les poucaves se cassent. Je viens de là où la cause à Nostra. Drive by un Opel calibra. Calibré de la tête aux pieds comme Emma Star. Je viens de là où les gangsters maîtrisent leur life. Si tu méprises cette vibe, viens chez WAM, tu verras tout en live. Je viens de là où les petits disent fuck you. Pète la tease n'importe où et vise le parc talk comme Boko. Je viens de là où on module le trajet. Dis là où y'a trop de trajet. Je viens de là où je veux pas tester. Où ça pue la peste, où ça joue les bestes. De Paris jusqu'à Bucarest. Personne veut se lever tôt. On veut tout prendre, partir en mer au loin. Aller vivre à Monaco. Je viens de là où je veux pas tester. Où ça pue la peste, où ça joue les bestes. De Paris jusqu'à Bucarest. Personne veut se lever tôt. On veut tout prendre, partir en mer au loin. Aller vivre à Monaco. Je viens de là où la vie est triste comme en Afrique. Là où ton sauce te tue pour du fric. Là où la misère chante comme Elvis. Là où y'a trop de vices précises, ça sert les vices. Je viens de là où la drogue est légale. La France appartient au Sénégal. Là où on te retrouve mort au fond du canal. Je viens de là où on est tous coupables. Tous capables de te faire péter un câble, négro. Je viens de là où le fisc de suite est confisque. De disque, tout s'inscrit aux acédiques. Je viens de là où on shoot les indiques. Je viens de là où la violence est plus forte que l'amour. Là où les nègres pissent Roger Moore. Je viens de là où y'a trop de complots. Là où les anciens sont complètement comblés. Accablés par cette soif d'alcool. Là où les profs sont battus à l'école. Là où le viol est devenu une religion en métropole. Là où tous les mecs esquivent. Je viens de là où je veux pas tester. Où ça pue la peste, où ça joue les bestes. De Paris jusqu'à Bucarest. Personne veut se lever tôt. On veut tout prendre, partir en mer au loin. Aller vivre à Monaco. Je viens de là où je veux pas tester. Où ça pue la peste, où ça joue les bestes. De Paris jusqu'à Bucarest. Personne veut se lever tôt. On veut tout prendre, partir en mer au loin. Aller vivre à Monaco. Eh ouais, McCoy, ça vient de Mante-la-Jolie, 78-200, pour faire couler ton sang.